J'arrive lourd comme trois, planète. Le zan négro, je vois, pas net. Hein? Équipe, tellement d'avance, négro, je les redépasse. Avec Black qui fait que des passes, y'a que pour du cash que je me déplace. Négro, par contre la sec, je peux te garantir que tu vas perdre. Pétasse, allume-toi comme moi, je peux te garantir que tu vas perdre. J'adhère, je les regarde tourner en rond comme au NASCAR. Shenzhen, j'arrive, qu'Illuminati comme All Bastard. Chaque jour fume Vlad Kaka comme si j'habite à Gaza. Chaque jour fuck Israël comme si j'habite à Gaza. À propos des sous comme Donald, j'suis comme Picchou, t'es comme Donald. Sous paf, c'est négro comme Raïm. Négro, j'les aime pas comme Donald. Remballe ton shit, RAF, tu veux pas payer ton feat. RAF, trouve-moi dans le piège. Côté obscur avec mon site, RAF. J'arrive lourd comme trois planètes. Dans le zan négro, joueur, pas net. En flou, j'ai 4 océans, t'as 3 canettes. J'arrive lourd comme 3 planètes.